racine. Oui, j'ai la pâte et dans le bas. Tant pour ta femme, il faut que tu trimes. Pour ta poire, faut que tu frimes. Faut que tu recommences. Tu te dois de recommencer. Faut que tu recommences. Tu te dois de recommencer. Faut que tu recommences. Tu te dois de recommencer. Faut que tu recommences. Tu te dois de recommencer. Quand les choses vont vraiment mal, comme elles savent si bien faire quelquefois. Quand les dettes culminent, poussent à la déprime et que les fonds sont bas. Que la route sur laquelle tu chemines, tu sais pas où elle va quand t'as pas le choix. Tu te dois de recommencer. Recommence. Tu te dois de recommencer. Même quand une erreur fait mal, une compète loupée, une trahison te blesse, un coup de poignard dans le dos sentier. Même si l'illusion s'éteint et que beaucoup ont été abattus par l'échec, nombreux auraient pu réussir s'ils avaient persévéré. Donc toi, recommence. Tu te dois de recommencer. Recommence. Tu te dois de recommencer. Recommence. Tu te dois de recommencer. Recommence. Tu te dois de recommencer. Même quand la douleur brûle tes yeux, t'es malade, touché au pieu. T'as perdu un de tes vieux. Quand c'est à la vie que tu en veux, même quand on ignore tes efforts. Même quand l'ingratitude en est la paye et que c'est toi qu'on paye le prix fort. Recommence, tu te dois de recommencer. Même si la vie est étrange avec ses revers et tous ses détours, chacun nous a pu l'apprendre à ses dépens, les bons et les mauvais jours. N'abandonne pas même si tout semble aller lentement, mais sûrement un autre souffle peut t'apporter la réussite rapidement. Le succès n'est que l'envers de l'échec. Jamais tu ne peux savoir à quelle distance se trouve le but. Recommence, tu te dois de recommencer. Recommence même si un million d'années sont comme une seconde dans le drame de l'éveil. Même si t'es seul contre tous et que tu rames à contre-courant. À contre-sens, t'es pas un mouton, t'es un battant. Même si c'est dur, tu te dois de recommencer. Recommence. Même si l'incompréhension coupe ton rire. Même si t'as pas envie de sourire. Même si tout a l'air de rien et que t'es en train de bouillir. Même si t'as pas confiance en toi, baisse pas les bras. Aide-toi d'abord, après le tout puissant t'aidera. Recommence. Je serai pas ce qu'ils veulent que je sois, je serai ce que je veux être. Pour ça, je continuerai en fac à ma tête. Mon chef au-dessus de ma tête est de tête. Pas une tête, mais pas trop un teubé. Mais quand ça passe pas, je réessaie. Quand je tombe, je me refelais. Comme au rugby, je vise l'essai. Une fille, pas de feutrée. Tu me connais toi-même, tu sais pas d'histoire de messer. Ouais, la vie, c'est comme ça, ouais. La vie, c'est. Recommence, tu te dois de recommencer. On sait que les grandes victoires se bâtissent dans la douleur. Ta perte tape dans le sac de la vie avec ardeur qu'apporte l'humeur. Frappe, frappe, qu'en sorte le meilleur. Comme le boum boum clap du battement de mon cœur qui fonctionne. Clap, clap, clap, clap, ce que le monde t'offre. Quand tu prends, tu donnes, action. Recommence. Tu le veux constamment, ce que tu veux profondément, tu l'obtiens forcément. À force de taf au fur et à mesure du temps, il suffit de pas te décourager. Recommence, tu te dois de recommencer. Recommence.